والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا قال البخاري رحمه الله قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال الشقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثين وقال أبو العلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة Le guide des croyants dans le hadith Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit chapitre de la parole du muhaddith. Sans si c'est le muhaddith, c'est celui qui transmet un hadith, qui est donc ses propos, haddathana, il nous a narré, ou akhbarana, il nous a informé, wa anba'ana, il nous a communiqué. Bukhari rahimahullah ta'ala a dit قال لنا الحميدي الحميدي هو شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله الحميدي est un des professeurs de البخاري رحمه الله il a dit auprès de Ibn Uyayna رحمه الله حدثنا c'est-à-dire il nous a narré وأخبرنا il nous a informé وَأَنْبَأَنَا Il nous a communiqué et سَمِعْتُ et j'ai entendu étaient des paroles équivalentes. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam وَهُوَ الصَّادِقُ qui est le véridique الصَّادِقُ فِيمَا يَنْقُلُ c'est-à-dire le véridique en ce qu'il a transmis وَالْمَسْدُوقُ الصادق المصدوق المصدوق المصدوق فيما ينقل إليه c'est qu'il a été rendu véridique en ce qu'on lui a transmis. Il nous a narré. وقال شقيق عن عبد الله et شقيق d'après عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire une telle parole. حذيفة رضي الله عنه a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a narré deux hadiths. Abu al-Aliya a dit, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il a rapporté d'après son Seigneur. Et Anas, radiallahu anhu, a dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il a rapporté d'après son Seigneur, azza wa jal. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il a transmis d'après votre Seigneur Azza wa Jal. هذه السير التحمل والأدى السير الشهيرة المقصود بيان ذكر السير التي يكون فيها التحديث وهي سمعت وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا وعن وهذه من السياغ الرواية فهذه السير هي سير التحمل والأداء فهذه السير يشعر أنه لا يفرق بينها فكلها صحيحة ولكن بعض العلماء من لا يفرق بين هذه السير وبعض العلماء من يفرق بينها فسمعت وحدثنا هي من أجل السماع وأنبأنا وأخبرنا هي لمن سمع شيخه وقرأ عليه وأقره دونك ici الإمام البخاري Rahimahullah ta'ala, il a mentionné des expressions, des tournures de celui qui transmet, qui rapporte un hadith. Ce sont des tournures, des expressions qui sont célèbres, qui montrent la transmission du hadith. Ce qui est recherché, donc ici c'est la mise en évidence de citations, d'expressions, de tournures qui montrent la transmission du hadith. Et ces tournures, ces expressions, elles sont limitées. Elles sont au nombre de 5. La première c'est « Sami'atu », j'ai entendu. Celui qui rapportait un hadith, disait parfois « Sami'tu », j'ai entendu. Ou il nous a narré. Ou il nous a communiqué. Ou il nous a informé. Et dernier, d'après. Donc ce sont des tournures, des expressions de variantes de ahadith. Et il semble il paraît que dans toutes ces expressions, il n'y a point de différence. Elles sont toutes justes. Mais maintenant, il y a certains savants qui ont divergé. Certains ont dit qu'il n'y a aucune distinction entre ces formules, entre ces expressions. Toutes ont la même signification. C'est pour cela, quand on a lu, Al-Bukhari, rahimahullah, a dit, d'après son professeur, Al-Humaydi, il a dit, « Kana inda ibn Uyayna, haddathana, wa akhbarana, wa anba'ana, wa sami'tu wahida. » C'est auprès du professeur de Al-Bukhari, rahimahullah, Al-Humaydi. Donc, pour lui, il a rapporté d'après Ibn Uyayna que ces expressions étaient équivalentes. Mais il y a d'autres savants qui ont dit que ces expressions ne sont pas équivalentes. Pour Sami'tu, j'ai entendu, et Haddathana, il nous a narré, ils ont dit que ceci a été utilisé lorsque l'élève a simplement entendu son professeur. Ils employaient cette expression. Mais maintenant, pour Akhbarana wa Anba'ana, il nous a informé et il nous a communiqué, ceci était employé pour l'élève qui a entendu de son cheikh, de son professeur, qui a lu en face de son professeur le hadith et dont son professeur l'a approuvé et lui a permis de transmettre. Vous voyez, ce sont des expressions qui sont donc utilisées dans la transmission du hadith. Fa hadhihi al-ibaratu sarihatun 'ala akhdhi at-tilmidhi 'ala akhdhi at-tilmidhi 'an shaykhihi mubasharatan mushafahatan بلا واسطة ولكن عن على الضربين إذا كانت من الثقة غير معروف بالتدليس فهي كالسابقة وإذا كانت من عرف بالتدليس فإن صرح بالسماع في موضع آخر تقبل روايته ويزول الإشكال ولا تكون روايته ضعيفة. Et donc ces expressions, ces tournures, donc ce sont des expressions qui sont claires, apparentes, à mentionner, à dire que l'élève appris de son professeur, c'est-à-dire le hadith, l'information, directement. Il l'a pris directement de son cheikh, sans intermédiaire et de manière orale. Mais maintenant, auprès des savants, il y a une mise au point concernant l'expression « an ». Quand vous trouvez dans le hadith, d'après, les ulama, donc on fait mention d'une mise au point concernant an, que celui qui mentionne an d'après, si cette personne est une personne digne de confiance et qu'il n'est pas connu pour cacher, pour dérober les variantes, alors on accepte ses propos. Si maintenant cette personne est une personne qui cache les variantes et qui dérobe les ahadith, alors si maintenant il l'a mentionné dans un autre endroit, qu'il a clairement entendu le hadith en disant « j'ai entendu », alors les ulama disent que sa variante est acceptée et que l'ambiguïté est enlevée et que sa variante n'est pas considérée comme faible. Donc vous voyez, ceci, ce sont des expressions qui sont utilisées lors de narration de hadith. Fabayyana al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fabayyana هذه السياق والصفات والصور التحمل والأداء وتلك العبارات أو الكلمات أو السياق التي تستعمل في العلم حتى تستيقن وتتأكد وتدركه على وجهه وتدركه إدراكا جزيما فإذا أخبرك المخبر يلزمك وينبغي أن يخبرك بصيغة القطع تفيد اليقين والصدق فلذا جاءت العبارات أفصح وأصح من تلك العبارات التي تستعمل حين البيان والتحمل والأداء والعرض فلذا هذه العبارات مما يجعل السامع يكون على اليقين والطمأنينة et donc on voit que ici الإمام البخاري Rahimahullah ta'ala, il a mis en évidence, il nous a mis en évidence, donc des expressions, des tournures, des paroles qui sont utilisées dans la transmission du hadith, lorsqu'on rapporte un hadith. Et donc ces expressions, ces tournures, ces paroles sont utilisées lors de la science. Afin que la personne soit convaincue, afin que la personne soit certifiée de l'information, afin que la personne saisisse d'une manière convenable l'information. Et c'est pour cela que si une personne vous informe d'un fait, il convient que cette personne utilise une expression tranchante, qui va indiquer la véracité et la certitude. Et donc c'est pour cela que ces expressions, ces tournures, elles sont plus expressives, plus justes et éloquentes que les expressions qu'on emploie lorsqu'on met en évidence tel et tel fait, lorsqu'on expose tel et tel fait. Et donc ces expressions qui sont utilisées ici dans le hadith vont donc rendre la personne qui écoute que cette personne sera convaincue et elle sera apaisée. فعندما قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فهو يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Et donc ici, lorsque le Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit « Qala ibn Mas'ud » donc c'est le compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique, qui a été rendu véridique, nous narrer. Vous voyez, ici, lorsque le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, lorsque le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, il nous a narré. Donc on voit qu'il a utilisé ici une expression permettant donc de transmettre le hadith. Et donc, il fait allusion, al-Bukhari rahimahullah, au hadith qui est rapporté par al-Bukhari rahimahullah et par Muslim dans leur sahih, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, chacun d'entre vous, son état embryonnaire demeure 40 jours dans le ventre de sa mère. Puis, il demeure une période équivalente en tant que sang coagulé. Puis, il demeure une période équivalente en tant que morceau de chair. Puis, l'ange vient. Et l'ange insuffle. Il faut plus mettre des téléphones à côté là-bas. Et on lui ordonne d'inscrire quatre paroles. On monte un peu le son. D'inscrire son à côté de lui. Sa subsistance. Ouais. C'est lui qui fait. Le terme de sa vie. Trop, ses œuvres. Et s'il fera partie des gens malheureux, des gens. Il fait allusion à ce hadith. Rapporté par le Bukhari ou le Muslim. إذن عندما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا فهذه من السياق التحديث كما رأينا مثل أنبأنا وأخبرنا فهذه من السياق الواردة السند الرواية سند الرواية المحفوظ لأنه من خصائص هذه الأمة فتجد في هذا العصر وقبل هذا العصر من يملكون الإجازات والشهادات بالسند المنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي السنن وفي الأمهات فتستعمل فيها هذه السياغ سياغ التحمل ويلحق بها الكتابة والإجازة والمناولة وما شاكل ذلك من السياغ التحمل وهذا هو المأثور عن نقلة السنة. Et donc, ici, si Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce fait, lorsque le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit « Haddathana », c'est qu'il fait partie donc, des expressions, des tournures de transmission de hadith. Des transmissions de hadith. Et comme on a vu, comme les autres tournures qu'on a vues, il nous a informés, il nous a communiqués. Et donc, sachez que la chaîne de transmission de hadith, elle est préservée. Et ceci est une des spécificités de cette communauté. C'est pour cela qu'on trouve à cette époque, et même avant cette époque, on trouve des gens qui ont des licences, des autorisations, des diplômes dans la transmission de hadith, que ce soit des livres sahih, comme Sahih al-Bukhari wa Muslim, ou que ce soit des livres qu'on appelle sunnan, comme Sunan al-Nasa'i ou Sunan Abi Daoud. Sunan ibn Majah, Sunan al-Daraqutni et d'autres. Les livres principaux de, donc, de la religion, comme Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, Al-Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ilayh. Et donc on y trouve, dans ces livres, on y trouve quoi? On y trouve donc ces expressions, ces tournures. Ces tournures, ces expressions qui ont été employées donc dans la transmission du hadith. Et on a joint à cela, on a joint la transcription, la permission, l'autorisation et autres expressions qui permettent de transmettre le hadith. Et ceci est ce qui a été mentionné dans la transmission de la sunna. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإن مثل فحدثوا مما هي وقع الناس بالشجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Et donc Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a mentionné un hadith avec la chaîne de transmission. Et donc dans cette chaîne de transmission, on trouve les expressions qu'on a mentionnées. Haddathana an an. Et donc, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a parmi les arbres un arbre dont ses feuilles ne tombent pas. Avant, il n'avait pas. Tout à l'heure, il avait, mais c'est est semblable aux musulmans. Narrez-moi, quel est cet arbre? Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit, les gens ont pensé que c'était un arbre des arbres de la campagne. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, moi, j'ai pensé que c'était le palmier. Mais j'ai eu honte de le mentionner. Puis ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons qui étaient autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, narre-nous, ô messager d'Allah, quel est cet arbre? Il a dit le palmier. Idhan, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, awrada hadha fi hadha al-bab, min ajli أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي النخلة الشجرة التي اختبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي وكذلك قال الصحابة حدثنا ما هي فيه استعمال لفظ التحديث وجاءت في بعض الروايات باللفظ الإخبار فهذه العبارات هي التي تستعمل في رواية الأحاديث. Et donc ici Al-Bukhari رحمه الله تعالى il a mentionné ce hadith du fait que dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, narrez-moi quel est cet arbre. Il a mentionné, le messager sallallahu alayhi wa sallam, hadithouni, une expression, une tournure, donc, qu'on a vu, qui est utilisée pour la transmission de hadith. Et c'est l'arbre qui est le palmier dont le messager sallallahu alayhi wa sallam a mis à l'épreuve ses compagnons, c'est-à-dire qu'il leur a posé la question. Donc on voit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a employé cette expression, cette tournure, et de même, même les compagnons dans le hadith, ils ont employé, ils ont utilisé cette expression lorsqu'ils ont dit Hadithna ma'iya, ya Rasulullah. Narmu, quel est cet arbre au messager d'Allah? Et donc, ce sont des expressions qu'on a vues qui sont utilisées lors de narrations de hadith. Donc ici, ça a été mentionné, le verbe hadith, mais dans d'autres variantes, a été mentionné akhbara, informé. Et donc ce sont des expressions qu'on a vues qui sont utilisées, qui sont mentionnées lors de transmission de hadith. Idan, النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لمعرفة هذه الشجرة فذهب الناس إلى الشجر البوادي أو إلى الشجر البرقي وما نظروا إلى ما حوله وهي النخلة فلم يهتدوا إلى الشجرة لا يسقط ورقها ما كان عنده الجواب الشجرة لا يسقط ورقها لأن تفكيره ذهب إلى الفلات وإلى البر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشجرة الشجرة قد تكون في البساتين وقد تكون في المزارع والمدينة هي بلد النخل هي بلد النخل فالصحابة رضي الله عنهم لم ينتبهوا لجوابه فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم ما هي وهي النخلة فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كبار الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتكلم في ذلك أراد أن لا يقدم بين يديه وأخبر فيما بعد أباه بذلك لكمال أدبه وحسن خلقه. Ici, concernant le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné, il a mis à l'épreuve ses compagnons concernant la connaissance d'un arbre. Concernant la connaissance d'un arbre. Dans la campagne. qu'un arbre se trouvait dans la campagne. Et il n'avait pas beaucoup de réponse à ce moment-là. Et le messager s'approcha de cet arbre. وقع الناس في شجر البوال. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un arbre parmi les arbres dont ses feuilles ne tombent pas. Elle est semblable aux musulmans. Nar et moi, quel est cet arbre? Les gens ont pensé que c'était des arbres de la campagne. Thank you.

وأما التمر فلا يكون أي كفة فهو طعام متيسر. Et donc, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ » et cet arbre est semblable au musulman, c'est-à-dire qu'il est semblable au musulman dans la profusion, dans la multiplication de utilité et de bienfaits. Et donc, ce palmier ressemble au croyant de par la profusion, la multiplication de bienfaits, de profits. Et par exemple, concernant le palmier, il y a la date. Donc le fruit du palmier, la date. La date est un aliment. C'était la nourriture des gens de Médine. C'est pour cela qu'a été mentionné, qu'a été cité, qu'a été rapporté dans le Sahih Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une maison où il n'y a point de date, ses habitants sont affamés. C'est-à-dire que ce hadith est propre aux habitants de Médine, comme l'ont mentionné les gens de science, les savants. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il passait un mois, deux mois, sans qu'on trouve chez lui qu'on a allumé le feu. C'est-à-dire le sens qu'il n'y avait point de nourriture par laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam pouvait cuisiner. Et donc on a demandé à son épouse, Aïchatou radiallahu anha, on lui a dit, qu'est-ce que vous mangez? Elle a dit, on mangeait al-aswadan, c'est-à-dire la date et de l'eau. Date et de l'eau. Et donc la date est une nourriture qui satisfait, qui tient lieu et place de beaucoup d'aliments. Et avec la date, la personne peut être rassasiée. Et également, concernant le profit de la date, c'est que c'est un aliment, une nourriture qui est préparée. Il n'y a pas besoin de difficultés, ni de charge, c'est-à-dire à se forcer. Comme par exemple pour le blé, lorsque celui qui veut donc cuisiner, il aura besoin donc de préparation, il aura besoin donc de choses pour pouvoir donc cuisiner des ustensiles, du bois et autres pour pouvoir donc cuisiner le blé. Mais la date, il n'y a aucune difficulté, aucun effort pour pouvoir la manger. C'est un aliment qui est facilité. Idan, al-Muslim, kadhalika, mustaslimun lillahi ta'ala, munqadun la yafqadu haythu amara, wa la yaraahu haythu harrama alayhi. ونهى وإن وقعت منه مخالفة من تقصير في واجب أو ارتكاب أو وقوع في محرم رجع تائبا مستغفرا منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا المسلم إذا رجع إلى الله تائبا مستغفرا ومنكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وعد المذنب التائب بالتوبة عليه وبالتبديل سيئاته بحسنات كما ذكرنا الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Semblable à cet arbre de palmier. Mais le musulman qui s'est soumis à Allah, qui obéit à Allah Azza wa Jalla, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'écarte pas, ne le perd pas de là où il a parlé. Thank you. فقد حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التوبة بابا عظم بين مصراعين ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن نرجع الله qui nous a chargé de responsabilité, qui nous a facilité, qui nous a accommodé et qui nous a ouvert la porte du repentir. Et cette porte du repentir ne se fermera que lorsque le soleil se levera de l'Occident. Il y a un hadith qui a été rapporté par Tabarani, dans son Mu'jam al-Kabir, d'après le compagnon Safwan ibn Asad, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit : certes, il y a pour le repentir une porte dont la largeur entre un des deux battants. Dont la largeur entre un des deux battants de la porte. Sa distance est équivalente à la distance que sépare l'Orient de l'Occident. Et cette porte ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera du côté de l'Occident. Femme Mais normalement, il s'est éteint tout à l'heure, il était en rouge. On n'a pas allumé l'autre. Hein? Il faut la changer dès maintenant, Inch'Allah, la pile. Allez, je vais changer. Tu sais la changer ou quoi? Ouais. C'est la bonne affaire. C'est la bonne affaire. Pour montrer un peu aux frères qui ne sont pas au courant, je ne peux pas envoyer des choses.